Écoute le précieux album du spécialiste. Colm, Colm. Ça vient de Paris. Eclipse, c'est du beatbox, des scratch vocaux. Fire! Écoute. Colm, Colm. Motherfucker, boss the boss now, specialist now, come on, roast now, come on, Tupac, come on, Prince's ace, motherfucker, Tupac. Yo, check this out, X to the motherfucker, say, know what I'm saying? Straight from Paris, now listen, they shit, ils sont fous, des messieurs viennent tous. Une putain de porc, mon pote, c'est pour des putains de dorsaux. Spécialiste, tu dis pas scratch vocaux, communication. Reconnais cette façon posée, osée. Lève les bras, fais pas le con. Lève les bras, fais pas le con. Hey yo, check this out. Yo, what's going on? This is Lil Shady from Paris. Big up. Nouvelle attaque terroriste, des spécialistes. Ok, spécialiste. Real names, no gimmicks. Soufiane, yow yow, check it, Mr. Math. Can I get a song? Ma famille est dans le club. Un son pour les thugs. Mama, got what you need. Ouais, ma zig, c'est ma drogue. C'est pour mes chiens d'en bas qui kiffent le vrai hip hop. Comme gimme a hug, leur remède fait bouger le blog. Tick, tock, tick, tock, tick, Dr. Dre, Ice Cube, with the spatial list.